Check. Yo. Check. Oh shit. I'm with the motherfucker. I'm back with the new track. I'm with the motherfucker. I'm with the ça se fait. J'ai pris un peu de recul, mais j'oublie pas ce que j'ai fait. J'ai posé les pieds sur une coupe de stage, j'ai pas oublié. J'ai pris le mic à les soirées, même quand c'était à chier. Je me souviens chaque matin, l'ambition d'aller plus loin. Les frissons dans le bas des reins à chaque fois qu'on rappelait bien. Dans ma tête, c'est tight, j'ai toujours fêté sur le mic. Je veux jouer sur des impacts au centre de la chaille. Faire du son dans mon studio, ça fait pas de mon héros. J'vais dans le souterrain, mais c'est pas encore Ground Zero. J'débarque avec un son qui frappe fort, je l'encore. Toujours actif, vénérable, la flamme qui flambe dans le corps. En forme plus que jamais, informe les autres qui nous connaissent. Je refais des réformes pour toutes les fans qui nous soutenaient. J'ai pas oublié d'où je vais, quoi je fais, pourquoi. La seule différence c'est que je le fais pour moi. Présentement, la balle est dans mon camp. Quand j'entends des cancans, mais du bouquin. J'opère sur un beat sévère, te fais taire avec le shit du persévère. Dédicace à lâche le père et vert. Acharné, ce B-Drive, je vais pas m'arrêter. Je vais continuer, je vais m'acharner. Je vais pas charmer, te parler de pute. T'en veux de fric, de brut, d'une fille typique, c'est tout. J'suis loin d'être un bandit, un mauvais garçon. J'ai fait ma part de conneries, mais Dieu merci, j'suis pas en prison. Maintenant c'est autre chose, j'en ai eu ma dose. Dans ce monde, ça, tout le monde s'habille, à chacun sa cause. Gardons les pieds sur terre, faut qu'on soit unis comme des frères. À chacun, on sert. Hip hop junkie, ça résume ma vie. Si t'as pas lu les heures passées à écrire toute la nuit. Si sincère, faut pas se faire la guerre. Marcher sur ça, il faut qu'on soit ouvert. Puis soi même si sincère, yo je suis sincère. Yo, il faut pas se faire la guerre. La seule chose qui m'intéresse vraiment, le cash, les femmes, le sexe et le hip hop, mon grand. Je me souviens, man, yo, back in the day. Le thrill d'avoir sorti en ville avec plus du quartier. C'est aussi là que les jaloux se sont manifestés. Aurait voulu avoir ma place sans avoir travaillé. Hey, fuck you. Dans ma vie j'ai trop été.